justement votre attention, ou plutôt votre concentration. Concentration. Les supermarchés sont des camps de consommation. On vous fait venir en masse, asphyxiez-vous au rayon. Touche la publicité, vous me traque comme de la propagande. Pas sûr, tu peux pas payer, on te traque comme le faisait la Gestapo. Nous avons les moyens de vous faire payer. Montez, montez dans notre train. Venez acheter, acheter, acheter, acheter, mes enfants. Acheter vos parents, Pupé Vichy, c'est le star, comme au bon vieux temps de Pétain. Big Brother is what you do. La nouvelle dictane, je porte d'étranges noms, Leclerc, Carrefour, Auchan, Super U, ils vont vous gaver de produits pour mieux ensuite passer au régime. Super Hyper Intermarché, Super Hyper Intermagouille, la ménage à faire ses clubs et ils vont s'en foutre plein les couilles. Achat Mart Fry, achetez, achetez mes enfants, faites acheter vos parents, buvez Vichy. Promotion sur le cervelas au rayon boucherie. Tapez votre matricule. C'est pour une délation. Le petit Adolphe est attendu à la...